J'suis un petit dater, j'connais bien le secteur. Y'a des gérants, des guetteurs et des charbonneurs. J'aurai mon terre-terre, Arme de l'Est, un petit hiver. Je me ferai donner en go alors que c'était mon frère. J'suis un petit tranquille, j'essaye de faire ma prière. J'vois des grands dents, d'une sourire même dans la misère. La voix met de la chaleur quand c'est l'hiver dans le cœur. Et j'me dois de faire des rappels à mes frères et sœurs. J'suis mère de famille, mon fils est mort devant moi. J'ai quitté la ville, l'impression de le voir chaque fois. Quand j'vois tes amis, c'est comme si t'étais devant moi. J'aurai mal à vie, malgré tout je garde la foi. J'suis une fille de quartier, j'essaie de m'en sortir. J'suis dans les études, y'a mon frère qui va sortir. J'ai de travail et du mal à m'en sortir. Et là j'ai mon frère au fun, j'attends sa sortie. Moi je suis un sportif, jamais fumé, jamais bu. J'ai fait le forcing et sur la piste j'abuse. Moi je suis un patron, j'ai mon entreprise. J'ai fait faillite, la roulette elle m'a tout pris. Je suis un alcoolique, je bois à la colline. J'ai pris deux trois flashs dans la cristalline. Moi je suis une cliente, il me fallait ma dose. J'étais en manque et j'ai volé ma daronne. Je suis un père de famille, j'ai quitté le pays pour un meilleur avenir, mais ils m'ont mis le treillis. J'ai grand du quartier, j'étais respecté. J'avais mes sous, mon terrain, et pour ça je suis rentré. Après je suis sorti, je pars tout seul, je suis bizarre. Maintenant les petits du quartier, ils me font trop les fous. Je suis un petit de 4 ans, j'ai vu ma mère se prendre des coups. Mon père est violent, une fois qu'il a bu son coup. Ils m'ont fait esclave, bloqué en Libye, 21e siècle. On est toujours pas.